Chapitre 19 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Essais par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 19. Que philosopher, c'est apprendre à mourir. Cicéron dit que philosopher, ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort. C'est d'autant que l'étude et la contemplation retirent aucunement notre âme hors de nous, et l'embesognement à part du corps, qui est quelque apprentissage et ressemblance de la mort. Ou bien, c'est que toute la sagesse et discours du monde se résout enfin à ce point, de nous apprendre à ne craindre point à mourir. De vrai, où la raison se moque, où elle ne doit viser qu'à notre contentement, et tout son travail tendre, en somme, à nous faire bien vivre, et à notre aise, comme dit la Sainte Écriture. Toutes les opinions du monde en sont là, que le plaisir est notre but, quoiqu'elles en prennent divers moyens. Autrement, on les chasserait d'arriver, car qui écouterait celui qui, pour sa fin, établirait notre peine et mésaise? Les dissensions des sectes philosophiques, en ce cas, sont verbales. Transcuramus solertissimas nugas. Il y a plus d'opiniâtreté et de picoterie qu'il n'appartient à une si sainte profession. Mais quelque personnage que l'homme entreprenne, il joue toujours le sien parmi. Quoi qu'il dit, en la vertu même, le dernier but de notre visée, c'est la volupté. Il me plaît de battre leurs oreilles de ce mot, qui leur est si fort à contre-cœur. Et il signifie quelque suprême plaisir et excessif contentement. Il est mieux dû à l'aisance de la vertu qu'à nulle autre aisance. Cette volupté, pour être plus gaillarde, nerveuse, robuste, virile, n'en est que plus sérieusement voluptueuse. Et lui devions donner le nom du plaisir plus favorable, plus doux et naturel, non celui de la vigueur duquel nous l'avons dénommé. Cette autre volupté plus basse, si elle méritait ce beau nom, ce devait être en concurrence, non par privilège. Je la trouve au moins pure d'incommodité et de traverse que n'est la vertu. Outre que son goût est plus momentané, fluide et caduque, elle a ses veilles, ses jeûnes et ses travaux, et la sueur et le sang. Et en outre particulièrement, ses passions tranchantes de tant de sortes, et à son côté une satiété si lourde qu'elle est quipole à pénitence. Nous avons grand tort d'estimer que ses incommodités lui servent d'aiguillon et de condiment à sa douceur, comme en nature le contraire se vivifie par son contraire, et de dire, quand nous venons à la vertu, que pareille suite et difficulté l'accable, la rende austère et inaccessible. Là où, beaucoup plus proprement qu'à la volupté, elles anoblissent, aiguisent et rehaussent le plaisir divin et parfait qu'elles nous moyennent. Celui-là est certes bien digne de son acquaintance, que contrepoise son coup à son fruit, et n'en connaît ni les grâces ni l'usage. Ceux qui nous vont instruisant que sa quête est scabreuse et laborieuse, sa jouissance agréable, que nous disent-ils par là, sinon qu'elle est toujours désagréable? Car quel moyen humain arrivera jamais à sa jouissance? Les plus parfaits se sont bien contentés d'y aspirer et de l'approcher sans la posséder. Mais ils se trompent, vu que de tous les plaisirs que nous connaissons, la poursuite même en est plaisante. L'entreprise se sent de la qualité de la chose qu'elle regarde, car c'est une bonne portion de l'effet et consubstantielle. L'heure et la béatitude qui reluit dans la vertu remplit toutes ses apparences et avenues, jusqu'à la première entrée et extrême barrière. Or, les principaux bienfaits de la vertu, c'est le mépris de la mort, moyen qui fournit notre vie d'une molle tranquillité, et nous en donne le goût pur et amiable, sans qui toute autre volupté est éteinte. Voilà pourquoi toutes les règles se rencontrent et conviennent à cet article. Et combien elles nous conduisent aussi, toutes d'un commun accord, à mépriser la douleur, la pauvreté et autres accidents, à quoi la vie humaine est sujette, ce n'est pas d'un pareil soin, tant parce que ces accidents ne sont pas de telle nécessité. La plupart des hommes passent leur vie sans goûter de la pauvreté, est-elle encore sans sentiment de douleur et de maladie, comme Xénophilus le musicien, qui vécut 106 ans d'une entière santé. Qu'aussi d'autant qu'au pis-aller, la mort peut mettre fin, quand il nous plaira, de couper broche à tous autres inconvénients. Mais quant à la mort, elle est inévitable. Omnes eodem cogimur, omninum versatur urna, serius oecius, sors excitura, et nos in aeternum excitium in postura quimbae. Et par conséquent, si elle nous fait peur, c'est un sujet continuel de tourment, et qui ne se peut aucunement soulager. Il n'est lieu d'où elle ne nous vienne. Nous pouvons tourner sans cesse la tête çà et là, comme en pays suspect. Quae quasi saxum tantalus semper impedantet. Nos parlements renvoient souvent exécuter les criminels au lieu où le crime est commis. Durant le chemin, promenez-les par de belles maisons, faites-leur autant de bonne chère qu'il vous plaira. Non siculae dapes, dulcem elaborabunt saporem, non tavium, quitaraeque cantus, somnum reducent. Pensez-vous qu'ils s'en puissent se réjouir, et que la finale intention de leur voyage leur étant ordinairement devant les yeux, ne leur ait altéré et affadi le goût à toutes ces commodités? Audititer, numeratque dies, spatioque viarum, metitur vitam, torquetur peste futura. Le but de notre carrière, c'est la mort, c'est l'objet nécessaire de notre visée. Si elle nous effraie, comme est-il possible d'aller un pas devant, sans fièvre? Le remède du vulgaire, c'est de n'y penser pas. Mais de quelle brutale stupidité lui peut venir un si grossier aveuglement? Il lui faut faire brider l'âne par la queue. Quae capete ipse suo instituit vestigia retro. Ce n'est pas de merveille s'il est souvent pris au piège. On fait peur à nos gens seulement de nommer la mort, et la plupart s'en signe, comme du nom du diable. Et parce qu'il s'en fait mention au testament, ne vous attendez pas qu'ils y mettent la main, que le médecin ne leur ait donné l'extrême sentence. Et Dieu sait lors, entre la douleur et la frayeur, de quel bon jugement ils vous le pâtissent. Parce que cette syllabe frappait trop rudement leurs oreilles, et que cette voix leur semblait malencontreuse, les Romains avaient appris de la mollir, ou l'étendre en périphrase. Au lieu de dire « il est mort », « il a cessé de vivre », disent-ils, « il a vécu ». Pourvu que ce soit vie, soit-elle passée, il se console. Nous en avons emprunté notre feu maître Jean. À l'aventure est-ce, comme on dit, le terme vaut l'argent. Je naquis, entre 11 heures et midi, le dernier jour de février, 1533, comme nous comptons à 7 heures, commençant l'an en janvier. Il n'y a justement que 15 jours que j'ai franchi 39 ans. Il m'en faut pour le moins encore autant. Cependant, s'empêcher du pansement de choses si éloignées, ce serait folie. Mais quoi? Les jeunes et les vieux laissent la vie de même condition. Nul n'en sort autrement que si tout présentement il y était. Joint qu'il n'est homme, si décrépite tant qu'il voit Mathusalem devant, qu'il ne pense avoir encore 20 ans dans le corps. Davantage, pauvre folle que tu es, qui t'a établi les termes de ta vie? Tu te fondes sur les comptes des médecins. Regarde plutôt les faits et l'expérience. Par le commun train des choses, tu vis pièce par faveur extraordinaire. Tu as passé les termes accoutumés de vivre. Et qu'il soit ainsi. Compte de tes connaissances, combien il en est mort avant ton âge, plus qu'il n'y en a qu'il ait atteint. Et de ceux-mêmes qui ont anobli leur vie par renommée, fais-en registre, et j'entrerai en gageur d'en trouver plus qui sont morts, avant qu'après 35 ans. Il est plein de raison et de piété de prendre exemple de l'humanité même de Jésus-Christ. Or il finit sa vie à 33 ans. Le plus grand homme, simplement homme, Alexandre, mourut aussi à ce terme. Combien à la mort de façon de surprise? Quid quisque vitet, nunquam homini satis, cautum est in horas. Je laisse à part les fièvres et les pleurésies. Qui eût jamais pensé qu'un duc de Bretagne dût être étouffé de la presse, comme fut celui-là à l'entrée du pape Clément, mon voisin, à Lyon? N'as-tu pas vu tuer un de nos rois en se jouant? Et un de ses ancêtres mourut-il pas choqué par un pourceau? Aeschylus, menacé de la chute d'une maison, a beau se tenir alerte. Le voilà, assommé d'un toit de tortue, qui échappa des pattes d'un aigle en l'air. L'autre mourut d'un grain de raisin, un empereur de l'égratignure d'un peigne en se tétonnant. Aemilius Lepidus, pour avoir heurté du pied contre le seuil de son oui. Et Aufidius, pour avoir choqué en entrant contre la porte de la chambre du conseil. Et entre les cuisses des femmes, Cornelius Gallus, prêteur, Tigellinus, capitaine du guet à Rome, Ludovic, fils de Guy de Gonzague, marquis de Mantoue, et d'un encore pire exemple, Speusippus, philosophe platonicien, et l'un de nos papes. Le pauvre Bébius, juge, cependant qu'il donne délai de huitaine à une partie, le voilà saisi, le sien de vivre étant expiré. Et Caius Iulius, médecin, graissant les yeux d'un patient, voilà la mort qui lui clôt les siens. Et s'il m'y faut mêler, le mien frère, le capitaine S. Martin, âgé de 23 ans, qui avait déjà fait assez bonne preuve de sa valeur, jouant à la paume, reçut un coup d'étreuf, qui l'asséna un peu au-dessus de l'oreille droite, sans aucune apparence de contusion, ni de blessure. Il ne s'en assit, ni reposa. Mais 5 ou 6 heures après, il mourut d'une apoplexie que ce coup lui causa. Ces exemples si fréquents et si ordinaires, nous passant devant les yeux, comment est-il possible qu'on se puisse défaire du pansement de la mort, et qu'à chaque instant, il ne nous semble qu'elle nous tienne au collet? Qu'importe-t-il, me direz-vous, comment que ce soit, pourvu qu'on ne s'en donne point de peine? Je suis de cet avis. Et en quelque manière qu'on se puisse mettre à l'abri des coups, fût-ce de sous la peau d'un veau, je ne suis pas homme qui y reculât, car il me suffit de passer à mon aise, et le meilleur jeu que je puisse me donner, je le prends, si peu glorieux au reste et exemplaire que vous voudrez. Praetulerim delirus inertque videri, dum mea delectent malame, vedeneque falant, quam sapere et ringi. Mais ces folies d'y penser arrivées par là. Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent, de mort nulle nouvelle. Tout cela est beau, mais aussi quand elles arrivent, ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant en dessous et au découvert. Quel tourment, quel cri, quelle rage et quel désespoir les accable. Vites-vous jamais rien si rabaissé, si changé, si confus? Il y faut prévoir de meilleures heures, et cette nonchalance bestiale, quand elle pourrait loger en la tête d'un homme d'entendement, ce que je trouve entièrement impossible, nous vend trop cher ses denrées. Si c'était ennemi qui se pût éviter, je conseillerais d'emprunter les armes de la couardise. Mais puisqu'il ne se peut, puisqu'il vous attrape fuyant et poltron, aussi bien qu'honnête homme. Nempe et fugacem persequitur virum, nec parcit embellis juventae, poplitibus timidoque tergo. Et que nulle trempe de cuirasse vous couvre. Ille licet ferro cautus secondat in aere, borstamen inclusum protrahet indecaput. Apprenons à le soutenir de pied ferme, et à le combattre. Et pour commencer à lui ôter son plus grand avantage contre nous, prenons voie tout au contraire à la commune. Ôtons-lui l'étrangeté, pratiquons-le, accoutumons-le, n'ayons rien si souvent à la tête que la mort. À tous instants, ressentons-la à notre imagination et en tout visage. Au broncher d'un cheval, à la chute d'une tuile, à la moindre piqûre d'épingle, remâchons soudain. Eh bien, quand ce serait la mort même? Et là-dessus, raidissons-nous, et nous efforçons. Parmi les fêtes et la joie, ayons toujours ce refrain de la souvenance de notre condition, et ne nous laissons pas si fort emporter au plaisir, que parfois il ne nous repasse en la mémoire en combien de sorte cette notre allégresse est en butte à la mort, et de combien de prises elle la menace. Ainsi faisaient les Égyptiens, qui, au milieu de leurs festins et parmi leurs meilleures chairs, faisaient apporter l'anatomie sèche d'un homme pour servir d'avertissement aux conviés. Omnem crede diem tibi deluxisse supremum, grata superveniet, quae non sperabitur ora. Il est incertain où la mort nous attende, attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Il n'a rien de mal en la vie, pour celui qui a bien compris, que la privation de la vie n'est pas mal. Le savoir mourir nous affranchit de toute sujection et contrainte. Paulus Aemilius répondit à celui que ce misérable roi de Macédoine, son prisonnier, lui envoyait pour le prier de ne le mener pas en son triomphe, qu'il en fasse la requête à soi-même. À la vérité, en toute chose, si nature ne prête un peu, il est malaisé que l'art et l'industrie aillent guère avant. Je suis de moi-même non mélancolique, mais songe creux. Il n'est rien de quoi je me sois des toujours plus entretenu que des imaginations de la mort, voire en la saison la plus licencieuse de mon âge. Jucundum cum aetas florida vet ageret. Parmi les dames et les jeux, telle me pensait empêcher à digérer à part moi quelque jalousie, ou l'incertitude de quelque espérance, cependant que je m'entretenais de je ne sais qui, surpris les jours précédents d'une fièvre chaude, et de sa fin au partir d'une fête pareille, et la tête pleine d'oisiveté, d'amour et de bon temps, comme moi, et qu'autant m'en pendait à l'oreille. Iam fuerit nec post unquam revocare licebit. Je ne ridais non plus le front de ce pansement-là que d'un autre. Il est impossible que d'arriver, nous ne sentions des piqûres de telles imaginations. Mais en les maniant et repassant au long aller, on les apprivoise sans doute. Autrement, de ma part, je fusse en continuelle frayeur et frénésie. Car jamais homme ne se défia tant de sa vie, jamais homme ne fit moins d'état de sa durée. Ni la santé, que j'ai jouie jusqu'à présent, très vigoureuse et peu souvent interrompue, je m'en allonge l'espérance, ni les maladies ne me la courcissent. À chaque minute, il me semble que je m'échappe, et me rechante sans cesse. Tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut être aujourd'hui. De vrai, les hasards et dangers nous approchent peu ou rien de notre fin. Et si nous pensons combien il en reste, sans cet accident qui semble nous menacer le plus, de millions d'autres sur nos terres, nous trouverons que gaillards et fiévreux, en la mer et en nos maisons, en la bataille et en repos, elle nous est également prête. Nemo altero fragilior est, nemo incrastinum suicertior. Ce que j'ai à faire avant mourir, pour l'achever tout loisir, me semble court, fût-ce d'une heure. Quelqu'un feuilletant l'autre jour mes tablettes, trouva un mémoire de quelque chose, que je voulais être faite après ma mort. Je lui dis, comme il était vrai, que n'étant qu'à une lieue de ma maison, et saint gaillard, je m'étais hâté de l'écrire là, pour ne m'assurer point d'arriver jusque chez moi. Comme celui qui continuellement me couvre de ses pensées et les couche en moi, je suis à toute heure préparé environ ce que je le puis être, et ne m'avertira de rien de nouveau la survenance de la mort. Il faut être toujours botté et prêt à partir, en tant que en nous est, et surtout se garder qu'on ait l'heure à faire qu'à soi. Quid brevi fortes, iaculamur, aevo multa. Car nous aurons assez de besogne, sans autre surcroît. L'un se plaint plus que de la mort, de quoi elle lui rompt le train d'une belle victoire. L'autre qu'il le lui faut déloger avant qu'avoir marié sa fille, ou contrôler l'institution de ses enfants. L'un plaint la compagnie de sa femme, l'autre de son fils, comme commodité principale de son être. Je suis pour cette heure en tel état, Dieu merci, que je puis déloger quand il lui plaira, sans regret de chose quelconque. Je me dénoue partout. Mes adieux sont tantôt pris de chacun, sauf de moi. Jamais homme ne se prépara à quitter le monde plus purement et pleinement, et ne s'en déprit plus universellement que je m'attends de faire. les plus mortes morts sont les plus saines. Miser, o miser, ayunt, omnia ademit, una dies infesta mihit, tot praemia vitae. Et le bâtisseur, manent, dict-il, opera interrupta, minaeque, murorum ingentes. Il ne faut rien désigner de ces longues haleines, ou au moins avec telle intention de se passionner pour en voir la fin. Nous sommes nés pour agir. Cum moriar medium solvar et interopus. Je veux qu'on agisse, et qu'on allonge les offices de la vie, tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mes nonchalandelles, et encore plus de mon jardin imparfait. J'en vis mourir un, qui étant à l'extrémité, se plaignait incessamment, de quoi sa destinée coupait le fil de l'histoire qu'il avait en main, sur le 15e ou 16e de nos rois. Iliut in his rebus non adunt, nec tibi earum, iam desiderium rerum super incidet una. Il se faut décharger de ces humeurs vulgaires et nuisibles. Tout ainsi qu'on a planté nos cimetières joignant les églises, et aux lieux les plus fréquentés de la ville, pour accoutumer, disaient les Courgus, le bas populaire, les femmes et les enfants, à ne s'effaroucher point de voir un homme mort, et afin que ce continuel spectacle d'ossements, de tombeaux et de convois nous avertisse de notre condition. Quin etiam exhila rare, viris convivia, caede mos olim, et miscere et pulis spectacula. Dira certantum fero, saepe et superipsa cadentum pocula, respersis non parco sanguine mensis. Et comme les Égyptiens, après leur festin, faisaient présenter aux assistants une grande image de la mort, par un qui leur criait « Bois, et t'es joui, car mort tu seras-t-elle » aussi ai-je pris en coutume d'avoir non seulement en l'imagination, mais continuellement la mort en bouche, et n'ai rien de quoi je m'informe si volontiers que de la mort des hommes. Quelle parole, quel visage, quelle contenance ils y ont eu. N'ayant droit à des histoires, je remarque si attentivement. Il y paraît, à la farcissure de mes exemples, et que j'ai en particulière affection cette matière. Si j'étais faiseur de livres, je ferais un registre commenté des morts diverses, qui apprendraient les hommes à mourir, leur apprendraient à vivre. Lysiarchus en fut un de pareil titre, mais d'autres, et moins utiles fins. On me dira que l'effet surmonte de si loin la pensée, qu'il n'y a si bel escrime qui ne se perde, quand on en vient là. Laissez-les dire, le préméditer donne sans doute un grand avantage. Et puis n'est-ce rien, d'aller au moins jusque-là sans altération et sans fièvre. Il y a plus. Nature même nous prête la main et nous donne courage. Si c'est une mort courte et violente, nous n'avons pas loisir de la craindre. Si elle est autre, je m'aperçois qu'à mesure que je m'engage dans la maladie, j'entre naturellement en quelque dédain de la vie. Je trouve que j'ai bien plus à faire à digérer cette résolution de mourir quand je suis en santé que je n'ai quand je suis en fièvre, d'autant que je ne tiens plus si fort aux commodités de la vie, à raison que je commence à en perdre l'usage et le plaisir. J'en vois la mort d'une vue beaucoup moins effrayante. Cela me fait espérer que plus je m'éloignerai de celle-là et j'approcherai de celle-ci, plus aisément j'entrerai en composition de leur échange. Tout ainsi que j'ai essayé en plusieurs autres occurrences, ce que dit César, que les choses vous paraissent souvent plus grandes de loin que de près. J'y ai trouvé que sain, j'avais eu les maladies beaucoup plus en horreur que lorsque je les ai senties. L'allégresse où je suis, le plaisir et la force me font paraître l'autre état si disproportionné à celui-là que, par imagination, je grossis ces incommodités de la moitié et les conçois plus pesantes que je ne les trouve quand je les ai sur les épaules. J'espère qu'il m'en adviendra ainsi de la mort. Voyons à ces mutations et déclinaisons ordinaires que nous souffrons comme nature nous dérobe la vue de notre perte et empirement. Que reste-t-il à un vieillard de la vigueur de sa jeunesse et de sa vie passée? Eo senibus vitae, portio quanta manet. César, un soldat de sa garde recrue et cassée, qui vint dans la rue, lui demander congé de se faire mourir, regardant son maintien décrépite, répondit plaisamment « Tu penses donc être en vie ?»« Qui y tomberait tout à coup ? Je ne crois pas que nous fussions capables de porter un tel changement. » Mais conduit par sa main, d'une douce pente et comme insensible peu à peu, de degré en degré, elle nous roule dans ce misérable état et nous y apprivoise. Si nous ne sentons aucune secousse, quand la jeunesse meurt en nous, qui est essence et en vérité une mort plus dure, que n'est la mort entière d'une vie languissante, et que n'est la mort de la vieillesse, d'autant que le sceau n'est pas si lourd du mal-être au non-être, comme il est d'un être doux et fleurissant à un être pénible et douloureux. Le corps courbé et plié a moins de force à soutenir un fait, aussi à notre âme. Il la faut dresser et élever contre l'effort de cet adversaire, car comme il est impossible qu'elle se mette en repos pendant qu'elle le craint, si elle s'en assure aussi, elle se peut vanter, qui est chose comme surpassant l'humaine condition, qu'il est impossible que l'inquiétude, le tourment et la peur, n'ont le moindre des plaisirs loge en elle. Non vultus instantis tiran, mente quatit solida, neque auster, dux inquieti, turbidus adriae, nec fulminantis magna jovis manus. Elle est rendue maîtresse de ses passions et concupiscences, maîtresse de l'indulgence, de la honte, de la pauvreté, et de toute autre injure de fortune. Gagnons cet avantage qui pourra. C'est ici la vraie et souveraine liberté qui nous donne de quoi faire la figue à la force et à la justice, et nous moquer des prisons et des fers. In manicis et compelibus, saevo te sub custore tenebo, ipse deus simul atque volam, met soluet, opinor, hoc sentit, moriar. Mors ultima linea rerum est. Notre religion n'a point eu plus assuré fondement humain que le mépris de la vie. Non seulement le discours de la raison nous y appelle, car pourquoi craindrions-nous de perdre une chose, laquelle perdue ne peut être regrettée? Mais aussi, puisque nous sommes menacés de tant de façons de mort, n'y a-t-il pas plus mal à les craindre toutes qu'à en soutenir une? Que chose-t-il qu'en ce soit, puisqu'elle est inévitable? À celui qui disait à Socrate « Les 30 tyrans t'ont condamné à la mort, et nature, eux, répondit-il, qu'elle se dise de nos peines sur le point de passage à l'exemption de toute peine. Comme notre naissance nous apporta la naissance de toute chose, aussi fera la mort de toute chose notre mort. Par quoi est pareille folie de pleurer de ce que d'ici à 100 ans nous ne vivrons pas, de pleurer de ce que nous ne vivions pas, il y a 100 ans. La mort est origine d'une autre vie. Ainsi pleurâmes-nous, et ainsi nous coûta-t-il d'entrer en cette-ci. Ainsi nous dépouillâmes de notre ancien voile en y entrant. Rien ne peut être grief qui n'est qu'une foi. Est-ce raison de craindre si longtemps, chose de si bref temps? Le longtemps vivre, et le peu de temps vivre, est rendu tout un par la mort. Car le long et le court n'est point aux choses qui ne sont plus. Aristote dit qu'il y a des petites bêtes sur la rivière Hypanis qui ne vivent qu'un jour. Celle qui meurt à 8 heures du matin, elle meurt en jeunesse. Celle qui meurt à 5 heures du soir, meurt en sa décrépitude. Qui de nous ne se moque de voir remettre en considération d'heure ou de malheur ce moment de durée? Le plus et le moins en la nôtre, si nous la comparons à l'éternité ou encore à la durée des montagnes, des rivières, des étoiles, des arbres et même d'aucuns animaux, n'est pas moins ridicule. Mais nature nous y force. Sortez, dit-elle, de ce monde, comme vous y êtes entrés. Le même passage que vous fîtes de la mort à la vie, sans passion et sans frayeur, refaites-le de la vie à la mort. Votre mort est une des pièces de l'ordre de l'univers, c'est une pièce de la vie du monde. Inter se mortales mutua vivunt, et quasi cursores, vitali lampada tradunt. Changerai-je pas pour vous cette belle contexture des choses? C'est la condition de votre création, c'est une partie de vous que la mort. Vous vous fuyez vous-même. Cette nuit, votre être, que vous jouissez, est également parti à la mort et à la vie. Le premier jour de votre naissance vous achemine à mourir comme à vivre. Prima quae vitam dedit, ora carpsit. Nascentes morimur, finisque ad origine pendet. Tout ce que vous vivez, vous le dérobez à la vie. C'est à ses dépens. Le continuel ouvrage de votre vie, c'est bâtir la mort. Vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie. Car vous êtes après la mort, quand vous n'êtes plus en vie. Ou, si vous l'aimez mieux ainsi, vous êtes mort après la vie, mais pendant la vie, vous êtes mourant. Et la mort touche bien plus rudement le mourant que le mort, et plus vivement et essentiellement. Si vous avez fait votre profit de la vie, vous en êtes repu. Allez-vous-en satisfait. Cur non ut plenus vitae conviva recedis. Si vous n'en avez su user, si elle vous était inutile, que vous chaut-il de l'avoir perdue? À quoi faire la voulez-vous encore? Cur amplius adere, quaeris rursum quod pereat male, et ingratum oxidat omne. La vie n'est de soi ni bien ni mal, c'est la place du bien et du mal, selon que vous la leur faites. Et si vous avez vécu un jour, vous avez tout vu. Un jour est égal à toujours. Il n'y a point d'autre lumière, ni d'autre nuit. Ce soleil, cette lune, ces étoiles, cette disposition, c'est celle même que vos aïeuls ont joui, et qui entretiendra vos arrière-neveux. Non alium videre patres, aliumque nepotes aspicient. Et au pis-aller, la distribution et la variété de tous les actes de ma comédie se parfournit en un an. Si vous avez pris garde aux branles de mes quatre saisons, elles embrassent l'enfance, l'adolescence, la virilité et la vieillesse du monde. Il a joué son jeu. Il ne sait autre finesse que de recommencer. Ce sera toujours cela même. Versamur ibidem arque in sumus visce, atque in se sua per vestigia volvitur anus. Je ne suis pas délibéré de vous forger autre nouveau passe-temps. Nam tibi praeteria, quod maciner, in veniamque quod placiat, nihil est, et adem sunt omnia semper. Faites place aux autres, comme d'autres vous l'ont faite. L'égalité est la première pièce de l'équité. Qui se peut plaindre d'être compris, où tous sont compris? Aussi avez-vous beau vivre. Vous n'en rabattrez rien du temps que vous avez à être mort. C'est pour néant, aussi longtemps serez-vous en cet état-là, que vous craignez, comme si vous étiez mort en nourrice. Licet quod vis, vivendo vinceres secla, mors aeterna tamen, nihil hominos illia manebit. Et si vous mettrez en tel point, auquel vous n'aurez aucun mécontentement, in vera nescis, nullum fore mortalium te, qui possit vivus tibi te lugere peremptum, stansque jacentem. Ni ne désirez la vie que vous plaignez tant, nec sibi enim quisquam tum se vitamque requirit, nec desiderium nostri nos affecit ulum. La mort est moins à craindre que rien, s'il avait quelque chose de moins que rien. Multum mortem minus ad nos esse potandum, si minus esse potest, quam quod nihil esse videmus. Elle ne vous concerne ni mort ni vif. Vif, parce que vous êtes, mort, parce que vous n'êtes plus. Davantage nul ne meurt avant son heure. Ce que vous laissez de temps n'était non plus vôtre que celui qui s'est passé avant votre naissance, et ne vous touche non plus. Respice enim quam nil ad nos anteacta vetustas, temporis aeterni fuerit. Où que votre vie finisse, elle y est toute. L'utilité de vivre n'est pas en l'espace, elle est en l'usage. Telle a vécu longtemps, qui a peu vécu. Attendez-vous-y pendant que vous y êtes. Élégie en votre volonté, non au nombre des ans, que vous ayez assez vécu. Pensiez-vous jamais n'arriver là, où vous alliez sans cesse? Encore n'y a-t-il chemin qui n'est son issue. Et si la compagnie peut vous soulager, le monde ne va-t-il pas même train que vous allez? Omnia te vita per functa sequentur. Tout ne branle-t-il pas votre branle? Y a-t-il chose qui ne vieillisse quant à vous? Mille hommes, mille animaux et mille créatures meurent en ce même instant que vous mourrez. Nam nox nulla diem, neque noctem aurora secuta est. Quae non audierit mistos vagitibus aegris, ploratus mortis comites et funeris atri. À quoi faire y reculez-vous, si vous ne pouvez tirer arrière? Vous en avez assez vu, qui se sont bien trouvés de mourir, achevant par là de grandes misères. Mais quelqu'un qui s'en soit mal trouvé, en avez-vous vu? Si est-ce grande simplesse de condamner choses que vous n'avez éprouvées ni par vous ni par autre? Pourquoi te plains-tu de moi et de la destinée? Te faisons-nous tort? Est-ce à toi de nous gouverner ou à nous toi? Encore que ton âge ne soit pas achevé, ta vie l'est. Un petit homme est homme entier, comme un grand. Ni les hommes ni leur vie ne se mesurent à l'aune. Chiron refusa l'immortalité, informé des conditions, dit-elle, par le dieu même du temps et de la durée, Saturne son père. Imaginez de vrai combien serait une vie perdurable, moins supportable à l'homme et plus pénible que n'est la vie que je lui ai donnée. Si vous n'aviez la mort, vous me maudiriez sans cesse de vous en avoir privé. J'y ai à essayer mêler quelque peu d'amertume pour vous empêcher, voyant la commodité de son usage, de s'embrasser trop avidement et indiscrètement, pour vous loger en cette modération, ni de fuir la vie, ni de refuir la mort. Que je demande de vous, j'y ai tempéré l'une et l'autre entre la douceur et l'aigreur. J'appris à Thal, le premier de vos sages, que le vivre et le mourir étaient indifférents, par où, à celui qui lui demanda, pourquoi donc il ne mourrait. Il répondit, très sagement, pour ce qu'il est indifférent. L'eau, la terre, l'air et le feu, et autres membres de ce mien bâtiment, ne sont non plus instruments de ta vie, qu'instruments de ta mort. Pourquoi crains-tu ton dernier jour? Ils ne confèrent non plus à ta mort que chacun des autres. Le dernier pas ne fait pas de la lassitude, il la déclare. Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive. Voilà les bons avertissements de notre mère nature. Or, j'y ai pensé souvent d'où venait cela, qu'au guère le visage de la mort, soit que nous la voyons en nous ou en autrui, nous semble sans comparaison moins effrayable qu'en nos maisons. Autrement, ce serait une armée de médecins et de pleurards, et elle, étant toujours une, qu'il y ait toutefois beaucoup plus d'assurance parmi les gens de village et de basse condition qu'est autre. Je crois à la vérité de ce que sont ces mines et appareils effroyables, de quoi nous l'entouranons, qui nous font plus de peur qu'elles, une toute nouvelle forme de vivre, les cris des mères, des femmes et des enfants, la visitation de personnes étonnées et transies, l'assistance d'un nombre de valets pâles et éplorés, une chambre sans jour, des sièges allumés, notre chevet assiégé de médecins et de prêcheurs. Somme toute, horreur et tout effroi autour de nous. Nous voilà déjà ensevelis et enterrés. Les enfants ont peur de leurs amis même quand ils les voient masqués. Aussi avons-nous. Il faut ôter le masque aussi bien des choses que des personnes. Ôter qu'il sera, nous ne trouverons au-dessous que cette même mort, qu'un valet ou simple chambrière passèrent dernièrement sans peur. Heureusement la mort qui ôte le loisir aux apprêts de tel équipage. Fin du chapitre 19.